Lettre 68e, Théophanie à Junia Marcella, près de Nicomédie, février 303. Je suis ici depuis 2 mois, éloigné de Nicomédie seulement d'un quart de lieue. Du toit de la maison que j'habite, je vois la ville, le fronton de nos temples, les tours respectables de nos églises, dont les cloches ne résonnent plus à mes oreilles. À gauche de la porte de la ville qui conduit à la mer, sont les quartiers de la garde impériale. C'est là que demeure Agathoclès. Je vois sortir la fumée des cheminées. J'entends le soir la musique guerrière. Je découvre quelquefois des soldats qui entrent ou sortent. Que de fois, peut-être, il est à leur tête. L'œil le plus perçant ne pourrait, à cette distance, reconnaître quelqu'un. Mais l'idée de le savoir si près de moi me remplit d'émotion et d'inquiétude. Parmi les femmes avec lesquelles je vis, se trouve la veuve d'un affranchi de la maison des Pisons. Plusieurs coups du sort lui ont fait quitter Rome pour venir ici, mais sa fille Drusille est restée au service de Calpurnie. Cette jeune fille, chrétienne aussi, vient souvent voir sa mère. Oh, ma Junia, si tu savais ce qu'elle nous raconte! Elle ne tarit pas sur la bonté de sa maîtresse, sur sa beauté, sur ses talents, sur le peu de crédit que les hommes ont sur elle, à l'exception cependant d'un jeune officier de la garde impériale dont elle avait déjà fait la connaissance à Rome et qu'il ne voyait pas avec indifférence. Lui seul, dit-elle, a trouvé le moyen de captiver sa maîtresse. Elle nous fait ensuite des descriptions des petits festins que Calpurnie arrange, où son ami ne manque jamais. Elle nous a fait aussi tous les détails de la fête qu'elle lui donna lorsqu'il revint couvert de gloire. Il était impossible, Junia, que cette fête n'eût pas fait sur lui l'effet le plus irrésistible. Tant de charme, tant de louanges, tous les talents réunis enivrant à la fois ses sens, son cœur et son amour-propre, l'être le plus insensible aurait été captivé. Et qui mieux que moi sait qu'Agathoclès n'est pas cet être glacé et centré vivement? Hélas, ce n'est plus pour celle qui développa chez lui cette ardente sensibilité. Mais je dois être juste. Celle qui l'excite à présent a bien plus de moyens. Calpurnie est, à tous égards, une charmante personne. Je faisais à ma compagne l'éloge de sa fille, qui paraît avoir reçu une excellente éducation. Elle jouait un des principaux rôles dans la fête, et s'en acquitta très bien, j'en suis sûr, car elle chante et joue à ravir de plusieurs instruments. « C'est l'ouvrage de Calpurnie, me dit la mère. Depuis que ma fille est auprès d'elle, elle la traite comme une sœur. Elle lui apprend tout ce qu'elle sait elle-même. » Aussi, Drusille est entièrement dévouée à sa maîtresse. Voilà donc mon dernier espoir évanoui. Je me disais quelquefois, Calpurnie est belle, elle est aimable au suprême degré, mais il faut plus encore pour Agathoclès. Il se rappellera quelquefois Larissa, moins belle, moins séduisante, mais plus tendre et plus sensible. Dans quelle erreur j'étais! Calpurnie n'est pas seulement la plus belle et la plus aimable des femmes, elle est aussi bonne et sensible. Agathoclès, déjà séduit par ses charmes, l'aimera toujours plus quand il connaîtra plus particulièrement son caractère. Ses vertus resserreront le lien que ses agréments formèrent. Oh, Junia, que Théophanie est à tous égards au-dessous d'elle! Croirais-tu que je n'ai pu retenir mes larmes en entendant faire son éloge et que j'en verse encore en te le répétant? Je puis être fâché que Calpurnie soit si bonne, et j'aurais trouvé quelque jouissance à lui découvrir au contraire des défauts. Ce qu'un être innocent et bon me raconte d'elle me fait éprouver un sentiment amer et pénible. Envie, jalousie, vous dont je ne connus jamais le poison, pénétreriez-vous enfin dans mon cœur? La douceur, la modestie dont je m'honorais à mes propres yeux n'étaient donc qu'hypocrisie, qu'une ombre qui disparaît à la première épreuve. « Oh, Junia, que le cœur humain est fragile! Quelle espérance me resterait-il d'obtenir le pardon de tant de faiblesses si je n'en faisais pas l'aveu avec un sincère repentir et une extrême confusion? Non, de telles idées ne sont pas d'une chrétienne. Je dois, je veux les écarter. Si ma force m'abandonne, le bras du Tout-Puissant me soutiendra. » Héliodore revient demain d'un petit voyage. Je suis décidé, quoi qu'il m'en coûte infiniment, de m'accuser devant un juge aussi sévère, à lui ouvrir mon cœur en entier, et lui exposer ma situation, mes malheurs et mes torts, pour que son austère vertu me montre le chemin que je dois suivre pour que je retrouve ma propre estime et la tienne, ma Junia, que j'ai mérité de perdre. » Quelques jours plus tard, mon âme est plus tranquille. Il m'a fallu bien de la peine pour regagner le calme que j'avais perdu, mais j'espère qu'il n'en sera que plus affermi. Héliodore m'a froissé, anéanti, mais ainsi qu'une plante se relève après l'orage par la douce influence d'une pluie salutaire, ainsi mon âme s'est relevée par la repentance et par de bonnes résolutions. Je me suis surmonté moi-même. J'ai fait au devoir le sacrifice de mon cœur, et la récompense céleste a immédiatement suivi cette victoire. Je ne puis pas encore, il est vrai, me réjouir du mariage de Calpurnie avec Agathoclès, cela ne m'est pas possible, mais je puis trouver quelque soulagement à ma douleur, dans l'idée qu'elle mérite son attachement et qu'il sera heureux avec elle. En punition de mes péchés, Héliodore m'a imposé un devoir qui m'est fort pénible, et que je ne supporte que par obéissance et par le sentiment de son utilité. J'avais été jusqu'ici dispensé du soin des malades. Mon éducation et mon expérience dans tous les ouvrages de femmes m'avaient fait préférer pour instruire les jeunes écolières, et je m'étais voué avec zèle à cette occupation. À présent, je dois, par ordre d'Héliodore, qui n'est ni aussi bon ni aussi tolérant que notre défunt et cher Théophon. Je dois donc, d'après ses ordres, me vouer entièrement aux soins des blessés. Comme veuve d'un militaire, il suppose que je dois avoir acquis des connaissances et de l'expérience, mais il ne se fie pas à moi depuis les aveux que je lui ai faits. Je suis obligé de remplir mes pénibles devoirs sous ses yeux ou sous ceux d'une vieille matrone. Oh, ma Junia, c'est une cruelle tâche. Et parce qu'elle me rappelle, et par elle-même, penser d'affreuses plaies, être témoin des souffrances les plus vives et des angoisses des mourants, mes forces physiques et morales ne s'accordent pas avec ce triste et pénible emploi. La première fois, on m'emporta sans connaissance, mais Héliodore fut inflexible. Il me rappela la sainteté de mes devoirs, l'obligation d'expier un sentiment coupable, l'exemple de notre sauveur, celui d'une foule de chrétiens. Il parlait avec tant d'éloquence que je fondis en larmes et que je prêtai entre ses mains un serment solennel de me dévouer à ses fonctions et d'en remplir fidèlement les devoirs. Dussé-je y perdre la santé et la vie. Depuis lors, cela va beaucoup mieux, et j'ai pris plus de courage. J'ai beaucoup d'occupations. La cruauté des païens ne laisse pas manquer notre maison de malheureux blessés et mutilés qui ont besoin de nos secours. Ma répugnance à voir le sang se dissipe peu à peu. Mon adresse augmente par l'ardent désir de soulager les maux de mes frères, et je commence à m'apercevoir que, passé les premiers moments, il y a une extrême satisfaction attachée à cet office, surtout pour des maladies de ce genre, où l'exaltation du malade lui permet à peine les plaintes. Je veux donc continuer avec patience. Mais du moment où Agathoclès sera marié, et que mon existence sera devenue pour lui, ainsi que pour moi, la chose la plus indifférente, alors, chère Junia, je vole vers toi. Hélas, je pense que j'arriverai bientôt. Ah oui, bientôt. Adieu.